satisfaire mon ego, et j'en ai déjà plus que je ne pourrais en dépenser en toute une vie. Pourquoi voudriez-vous que je risque ma vie ? Bienvenue dans un milieu, d'imaginer ce qu'est vraiment le milieu. Du capot sous fifre, des blocs sous vide, de coco glauque assourdissant. Des cassos sous fif, le quartier qui va en souffrir. Du haut placé qui s'en fout, jusqu'au star qui va s'en souvenir. Bienvenue dans le milieu. T'as beau arrêter de vendre, arrêter de boire, ou arrêter de fumer, arrêter d'entreprendre. Tout ce qui fait de toi une chèque ou pas, présumé. Mais sur la croche, ton bâche il te rattrape jusque devant ta porte. Le milieu ne fait pas le tri. C'est toi ou ta famille, aussi loin que tu sois, tu paieras le prix. Un peu comme Alpache dans l'impasse à la haine, quoi il se varie pas. Un milieu palpable comme les ballparks. La seule unique façon de partir, c'est dans l'Alpale. Dans l'Alpale. Milieu c'est la bac, le point de Mac. Une façon crade de se faire abattre. Milieu c'est la bac, une manière étrange de mener sa barre. Cette merde dans laquelle on s'embarque, l'unique moyen de faire rentrer sans barre. Milieu c'est la habal, ça arrête pas. Milieu c'est la hagra, les clubs. Milieu c'est la habal, ça arrête pas. Milieu c'est la hagra, les clubs. Le milieu russet de réseau, de rue serrée, cul d'ex-pucelle, épuisé, des corps d'usine, usé, vrais ovelles, explosé, cloison du zen, usé par le poison, c'est pour ça que tu saignes. Ouais. On se tue, les caïds font du zèle, plus de zeb, beaucoup de cocaïne, c'est ce que veulent ces putes. On ne raccroche pas comme ça avec le milieu, après s'être fait humilier, s'être manqué une fois de plus, ou avant d'avoir planqué le million, les pieds sur terre, et l'esprit à milieu, je voulais être gangster, ne pensais pas que la tôle serait si dure aux yeux de ma mère. Que le temps passerait si vite, et que j'étais grand frère. Un aîné que j'aurais dû freiner. Cesser de traîner, ces jeunes, trop tôt engrainés. Livrer une triste fin, on n'hésite pas avant de dégainer. Esquisse de flingue, sourire, en guise de fin, on t'embrasse puis on te flingue. Fallait que je pense à purger tous ces crimes. Faut croire que ça urgeait. Cesse de hurler, man. Tes cris n'arrêtent, on est la balle, on est l'hémorragie. Fallait qu'on me foute en terre, quoi. Faut laisser partir. Milieu c'est la habal, ça arrête pas. Milieu c'est la hagra, les clubs. Milieu c'est la habal, ça arrête pas. Milieu c'est la hagra, les clubs. Le milieu, un tas de vermine, là où les tasses terminent, où les pétasses terminent, et où tu vois la sermine. À la tête, tas de merde, j'tard verru, qui prend revers, et tout un tas d'erreurs. À l'intérieur, c'est la merde, un peu la terreur, peu de choses arrivent à terre, quand ça arrive. Jackpot, ralmo, un nez sur chaque pote. Milieu, c'est la hagra, les clebs, les rôles crack, les camésones crates. Une caravane, un endroit sombre pour un tox, un fix, ça c'est le milieu. Les taxes, les impôts, le fisc, une prise d'otage, un hold-up, l'adrénaline, les risques quand y'a les stupes à l'étage. Milieu, c'est ce vice de procédure quand je pèse le prof. Milieu c'est la habal, ça arrête pas. Milieu c'est la hagra, les clubs. Milieu c'est la habal, ça arrête pas. Milieu c'est la hagra, les clubs. Je nous revois liés au milieu, comme un junkie à sa seringue, une pute à son string ou un flic à son flingue. Milieu c'est ça, ouais. La hagra, la habal, ça m'arrête pas. Je referai des pompes, des dips, prendrai du biceps. Avec la rage sur un rap, pendant que la race à clep tire les ficelles, que les putes composent le 17. Ouais, écoute les gars, monsieur tourne les milieux.